Ceux qui s'organisent. Invisible committee. Et de ceux-là. Car rien ne manque. Au triomphe. Au triomphe de la civilisation. Terreur politique, la misère affective et la stérilité universelle. Non. Le désert ne peut plus croître, il est partout, mais il peut encore s'approfondir devant l'évidence de la catastrophe. Il y a ceux qui s'indignent, ceux qui panaquent, ceux qui dénoncent, ceux qui s'organisent. You won't come with me, the invisible come. follow you. Liberté, égalité, fraternité. On essaye de maintenir modèle républicain. Demain, face à l'adversité, le règne organisé de la bêtise, du mensonge, de la confusion, à ceux à ceux pour qui la fin d'une civilisation n'est pas la fin du monde, à ceux qui voient l'insurrection comme une brèche d'abord dans le règne organisé de la bêtise, du mensonge, de la confusion, à ceux qui devinent derrière l'épais brouillard de la crise, théâtre d'opérations, des manœuvres, des stratégies. Et donc, possibilité, contre-attaque, la possibilité, contre-attaque, possibilité, contre-attaque, possibilité, contre-attaque, possibilité. À ceux qui portent des coups, à ceux qui guettent le moment propice, à ceux qui cherchent des complices, ceux qui désarment, ceux qui tiennent bon, ceux qui s'organisent, à ceux qui veulent construire une force, révolutionnaire, parce que sensible. Sensible, sensible, sensible, sensible, sensible. No wait, no hope, push your foot, the presence door. Push your foot, the presence door. Push your force, push your force. Yeah, push your force, the presence do. No way, no hope. Ne plus se laisser distraire, désarçonner. Do infraction. Renvoyer le mensonge dans les cordes, croire à ce que nous sentons. Agir en conséquence. Se reconnecter au présent. Croire à ce que nous sentons. plus avoir peur, ne plus se laisser distraire. Plus avoir peur. Agir en conséquence. C'est bien de faire du son, mais bien de faire du son, mais do infraction. Push your force. Push your force. Push your force. Push your force. Presence. Presence do here and now. Sing, make music, plant, touch, love. West to the wood, we try, we fail, we try again, we send the nest west to the wood, and I hope that someone gets my, and I hope that someone gets my. I don't wear no hope. I do. I make. I speak. Civilization. Thank you. toi et moi. Le coucher du soleil, on veut oublier tout ça, tout ça. D'un côté de l'océan, ce qui s'est passé de l'autre côté de l'océan. On a 5 doigts, nous aussi, les mêmes coquillages, les mêmes crustacés. Atlantique, nationaliser, corps, dans une belle grande famille, capitale. Data, les femmes doivent humain, diversité, complexité, créativité. Sorry for my approximative English. I fail. Try again. A hammer to construct a house. Abraham. Tu attaques. Friend. Ideas like hammer. Ideas to construct a death trap. It's a tool like technology. Rivière, pas loin de l'eau, de là, de l'eau, de l'eau, de là. Des fluides qui viennent de la montagne, qui descendent des torrents, des glaciers. Puissance de la matière, de la beauté du monde, de la beauté du monde, de la beauté du monde. Thank you. c'est la beauté du monde donné par la nature, universelle beauté. Notre beauté d'humain. C'est comme ça que nous sommes beaux. Master, yeah, we able, even now, able to create sounds, able, beautiful, we are beautiful because able to create. Je pourrais en dire beaucoup plus. feeling, and I'm feeling, yeah, we feel it. For tomorrow, for my sons, I hope, I see, I want. I try again. Yeah, I know I fail. No wait, no hope, here and now. Plus ou moins serré, ça se crée des formations. On y arrive à plusieurs. We push, we force. Avec des sons, avec des mots. Des pianos, des guitares, on occupe le présent, on est là. Intergénération, interstellaire, chacun voit midi à sa porte. pour occuper le présent différemment, humainement. On est là, on est là. Malgré le pétrole, les guerres, les dieux. L'éternité. Elle est retrouvée quoi? Let's create. la gaille. Mixer. Follow you. Part sur une impro. Yes. Oh, oh. We need to reduce the latency time.